بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ravi de vous retrouver mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le lundi 4 Ramadan pour nous ici en Arabie Saoudite, et le 3 Ramadan au Maroc, de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 27 avril 2020. Nous nous retrouvons aujourd'hui après le premier cours dans lequel nous avons vu ensemble une introduction sur quelques points important à connaître avant d'entamer l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec la lignée généalogique du prophète alayhi salatu wassalam, premier point avec lequel a commencé l'imam Ibn Kathir rahimahullah dans son livre Al-Fusul fi Sirati Rasul sallallahu alayhi wasallam. Et avant, il a dit dans son introduction, rahimahullah, il a dit qu'il ne convient pas aux hommes de science de négliger la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et les différentes dates islamiques dans lesquelles il y a eu des événements importants dans l'islam, telles que les batailles du prophète alayhi salatu wassalam et autres, car ce qui a précédé comporte une grande science et des fawaïd importants, desquels ne peut se passer le savant et il n'est pas excusé de les ignorer. Donc l'homme de science, comme le demandeur en science, se doivent de connaître la biographie du prophète alayhi salatu wassalam d'une manière très détaillée. Et connaître les divergences des hommes de science par rapport aux différents points. Et c'est pour ça, il poursuit en disant, c'est pour ça qu'il a fait ce livre concis, comme un rappel par rapport à ces points, et également comme une introduction pour cette science et une aide pour celui qui cherche à apprendre cette science. La biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il lui a demandé son aide afin d'atteindre son objectif, rahimahullah. Et il a dit que son livre contiendra la lignée généalogique du prophète alayhi salatu wassalam, sa descendance, ses ascendants et ses descendants, sa famille et également sa vie, ainsi que les preuves de sa prophétie, alayhi salatu wassalam, et toutes les choses, ainsi que les preuves de sa prophétie, et toutes les choses qui sont en lien avec l'histoire de l'islam, jusqu'à son époque, rahimahullah, jusqu'à l'époque d'Ibn Kathir, rahimahullah. Parmi les choses dont on ne peut pas nous passer d'une manière concise. Donc il a commencé par la noble origine du prophète alayhi salatu wassalam. Il est Muhammad sallallahu alayhi wassalam, le maître des fils de Adam alayhi salam. Sa kunya est Abu al-Qasim. Al-kunya, c'est ce qui commence par Abu, comme vous savez. Le nom, c'est ce qui est propre à la personne. On a aussi al-laqab, le surnom. Et on a al-kunya. Al-kunya, ça commence par abu ou ummu pour les femmes. Donc, le Nabi alayhi salatu wa salam, sa kunya, c'est Abu al-Qasim. Muhammad ibn Abdillah. Et le Nabi alayhi salatu wa salam, il a plusieurs noms qui ont été rapportés d'une manière authentique. Après, il y a des savants qui ont fait une très grande liste dans laquelle ils ont compilé tout ce qui a été rapporté comme nom du prophète alayhi salatu wa salam. Mais bien évidemment, pour arriver à des chiffres très élevés, ils ont mélangé les noms et les choses par lesquelles était décrit le Nabi alayhi salatu wa salam. Le Nabi alayhi salatu wa salam, quand il est décrit par être le prophète de la miséricorde, c'est pas un nom. C'est une description du prophète alayhi salatu wa salam. Mais il y a des savants qui ont réuni tout ça et ils ont fait des très grandes listes. Parmi ceux qui ont essayé de regrouper uniquement ce qui représente des noms, c'est Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah. Et il a fait une liste de 64 noms parmi les noms du prophète alayhi salatu wa salam. Il les a expliqués d'une manière détaillée. Ici, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il a cité Muhammad wa Ahmad wal Mahi alladhi yumha bihi al-kufr. Donc le prophète alayhi salam, son nom le plus connu, c'est Muhammad. Et également Ahmad, qui est cité dans le Coran. Les deux sont cités dans le Coran. Et par rapport à Al-Mahi, également parmi ses noms, Al-Mahi, l'effaceur, celui avec lequel Allah effacera la mécréance. Wal-Hashir, alladhi yahshuru an-nasa, ay anna an-nasa yuhsharuna ala atharihi wa ala qadamayhi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les gens seront rassemblés derrière lui, alayhi salatu wa sallam, le rassembleur derrière lequel les gens seront rassemblés. Wal-aqib, alladhi laysa ba'dahu nabi, wal-muqaffi, wa ma'nahuma qarib. Al-aqib et al-muqaffi, ils ont à peu près le même sens. C'est-à-dire celui derrière lequel il n'y aura plus de prophète ni de messager. Le dernier des prophètes et messagers. C'est-à-dire qu'il est venu pour boucler la liste des prophètes et messagers qu'Allah Azzawajal a envoyé à toute l'humanité. Il est le dernier d'entre eux. On peut traduire le muqaffi par le successeur, celui qui a succédé au prophète et qui a été envoyé en dernier, le sceau des prophètes. Wa nabiyyu ar-rahma, le prophète de la miséricorde, le prophète du repentir, le prophète de la bataille et du combat, alayhi salatu wa salam. C'est ce que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a cité. Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans son livre, La Sira, la biographie authentique, il a rajouté Khatamun Nabiyyin, le sceau des prophètes. Et il a rajouté Abdullah. Abdullah également s'est rapporté parmi les noms du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc ça, c'est par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à son père Abdullah, fils de Abdul Muttalib, le grand-père du prophète alayhi salatu wa sallam. Son vrai nom, son nom, c'est Shaybatul Hamd. Et vous allez constater que certains des arrière-parents du prophète alayhi salatu wa sallam ont des surnoms. Et ils sont plus connus par leur surnom que par leur nom. Et ça existe chez les Arabes. Donc, Abdul Muttalib, son vrai, son nom, c'est Shaybatul Hamd. Et Abdul Muttalib, il a 11 fils et 6 filles. Il a eu en tout 11 fils et 6 filles. Parmi les 11 fils, il y en a deux qui sont entrés dans l'islam. Le premier, c'est Hamza radiallahu anhu, l'oncle et prophète, l'oncle et frère du prophète alayhi salatu wassalam, son frère d'allaitement. Les deux ont été allaités par Thuwayba. Et le deuxième oncle qui est entré dans l'islam, c'est l'Abbas, que l'imam Ibn Kathir n'a pas cité parmi les fils de Abdul Muttalib. Il a cité 10 uniquement. Et l'Abbas, il avait 3 ans de plus que le prophète alayhi salatu wassalam. Et subhanallah, pour regarder, ici il y a un point qui me vient, pour regarder l'adab qu'avaient les compagnons radiallahu anhum avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et comment nous, on doit choisir nos mots quand on parle du prophète alayhi salatu wassalam. On parle pas de lui comme on parle de n'importe quelle personne. Et vient en deuxième lieu, les compagnons radiallahu anhum. Tu ne parles pas des compagnons comme tu parles de ton ami. Il y a un certain respect. Tu dois choisir tes paroles et tes termes. Et tu dois faire très très attention. Parce que tu parles de gens qu'Allah a agréés. Tu parles des meilleurs de cette communauté. Donc tu parles pas d'eux. Tu les mets pas au même piédestal que n'importe quelle autre personne dans l'islam. Et après eux vient les hommes de science également. Le respect qu'on se doit pour nos savants. Et respecter ne veut pas dire croire qu'ils sont infaillibles. Ya akhi, tu dois savoir, comme il a dit Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. Le vivant n'est pas à l'abri de la tentation et de la fitna et de l'égarement. Personne n'est à l'abri. Quand on entend que quelqu'un qui était connu pour étant un homme de science, qui suit la sunna, s'est égaré, première chose que tu dois avoir, c'est te désavouer de cette personne. Et deuxième chose, c'est de prendre leçon. Si quelqu'un atteint un certain niveau dans la science, il s'égare, alors tu crois que tu es à l'abri, toi? Personne n'est à l'abri. Donc, respecter les savants ne veut pas dire croire qu'ils sont infaillibles. Alhamdulillah, ça, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré un salafi qui prétend cela. On peut trouver des débutants dans la salafia, tellement ils ont d'estime pour certains de nos savants, ils peuvent tomber dans un peu d'exagération, mais ça se corrige. Et ça se généralise pas à tous les salafiyins. Salafiyins respectent leurs savants et connaissent leurs mérites. Quelqu'un qui a passé sa vie à défendre la sunna, comme l'imam de notre époque, Rabi ibn Hadi al-Madkhali, on peut pas admettre des critiques à son égard qui sont pas du tout fondées, qui n'ont aucun fondement, que des paroles comme ça. Et ça veut pas dire qu'on croit qu'il est infaillible. Personne n'est à l'abri de l'égarement. Qu'Allah préserve tous nos savants et nous raffermisse tous sur la sunna jusqu'à le rencontrer. Car les actes ne valent que par leur fin. Ce qui compte, c'est pas d'être sur la sunna. Ce qui compte, c'est de mourir sur la sunna et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous accorde une bonne fin à tous et nous raffermisse dans notre religion. Et il n'y a pas une meilleure cause pour le raffermissement dans la religion que la science et le dua. Invoquer Allah. Comme a dit Sofiane al-Thawri rahimahullah, je ne pense pas qu'aujourd'hui sera sauvé quelqu'un, excepté un homme qui invoque Allah comme celui qui se noie. Imaginez quelqu'un qui se noie dans une mer et il n'a personne autour de lui. Les causes sont coupées et les liens avec les créatures sont terminés. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez comment un homme comme celui-là va invoquer Allah. Et comment il va supplier Allah. Et comment il va demander à Allah de le sauver. Sufyan al-Thawri rahimahullah, il dit qu'à son époque déjà, il ne pense pas que quelqu'un sera sauvé excepté un homme qui invoque Allah comme celui-là. Peut-être qu'on n'a jamais connu une invocation similaire. Qu'Allah nous pardonne et nous fasse miséricorde. Donc, Abdul Muttalib avait 11 fils qui sont Al-Harith, Al-Zubayr, Hamza, Abu Talib. Abu Talib, son nom, c'est Abdul Manaf, Abu Lahab. Et son nom, c'est Abdul Uzza, Abdul Ka'ba, qui est Al-Muqawwam. Et ça a été rapporté qu'ils sont deux frères et non pas une seule personne. Et Hajl, qui est le Mughira, son nom c'est le Mughira, ou le Ghaydaq, il a été appelé, ou plutôt surnommé le Ghaydaq, parce qu'il était très très généreux. Et son nom c'est Nawfal. Et ça a été dit que le Ghaydaq, c'est Hajl. Et le dernier qu'il a cité, c'est Dirar. Donc vous constatez qu'il n'a pas cité l'Abbas, radiallahu anhu, très connu. Également parmi les filles de Abdul Muttalib, les tantes paternelles du prophète alayhi salatu wa salam, ammatuhu, parmi ammat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Safiya, la mère de Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, et Atika. On va parler des oncles et des tantes paternelles du prophète alayhi salatu wa sallam plus en détail plus tard, inshallah. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder ici. Atika wa Arwa wa Umayma wa Barra wa Ummu Hakim. Ummu Hakim al-Bayda, très connue parmi les tantes paternelles du prophète alayhi salatu wa sallam. Abdul Muttalib, qui est fils de Hashim. Et Hashim, son nom, c'est Amr. Il y a une petite anecdote par rapport à Abdul Muttalib. J'ai oublié de la citer. Pourquoi il a été surnommé Abdul Muttalib? Ils disent qu'en revenant de Medina, Afwan, ça c'est par rapport à Hashim, que Hashim, en revenant de Medina, il a ramené avec lui son fils Abdul Muttalib, qui était chez la famille de sa mère, et il l'avait avec lui derrière sa monture. Et ils ont fait ce voyage, ce long voyage, dans lequel Abdul Muttalib, qui est Shaybat al-Hamad, il a bronzé, il a pris des couleurs. Et en arrivant à Mecca, quand ils l'ont vu, donc c'est le Muttalib, Afwan, je rectifie. Al-Muttalib, qui est le frère de Hashim, qui était cherché le fils de son frère, qui s'appelle Shaybat al-Hamad, qui est Abdul Muttalib. Il a été le chercher chez la famille de sa mère, Fil Madina, Et en revenant sur le voyage, il a bronzé. Et quand ils sont arrivés à Mecca, quand ils les ont vus, ils ont dit « Voilà le Muttalib et Abd al-Muttalib ». Ils ont cru que c'était un esclave. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Abd al-Muttalib, l'esclave de al-Muttalib. Et le Muttalib, c'est le frère de Hashim. Et c'est resté comme ça. Et Hashim, c'est le fils de Abd al-Manaf. Abd al-Manaf, qui est le fils de Qusay. Qusay, son nom c'est Zayd, qui est le fils de Kilab, qui est le fils de Murra, qui est le fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Voilà la lignée sur laquelle il y a unanimité entre les hommes de science, jusqu'à Adnan. Et entre Adnan et Ismaïl, il y a une divergence. Ismaïl, alayhi salam, fils de Ibrahim, alayhi wa ala nabiyyina afdalu salati wa salam. Donc jusqu'à Adnan, il y a unanimité. Et entre Adnan et Ismaïl, il y a unanimité également sur le fait que Adnan est un descendant de Ismaïl. Mais le nombre de personnes entre Adnan et Ismaïl, il y a une divergence. Il y en a qui ont dit 7, il y en a qui ont dit 30 et plus. Et certains savants parmi Salaf détestaient citer les parents du prophète alayhi salam après Adnan. Car il n'y a pas une science sûre, comme c'est le cas jusqu'à Adnan. Donc mes frères, ça c'est important à mémoriser. Et pour vous le faciliter, je vais vous citer 5 vers qui vous permettent de mémoriser tous les parents du prophète alayhi salam jusqu'à Adnan. آباء سيد الورى على الرتب هو ابن عبد الله بن عبد المطلب وهاشم عبد مناف بن قصي ابن كلاب مرة كعب اللؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك النضر قل كنانة كذلك خزيمة مدركة إلياس ومضر نزارهم قياس ثم معد بعده عدنان وبعد ذاك اختلف الاعيان. Donc 20 pères parmi les parents du prophète alayhi salat wa salam jusqu'à Adnan, de Abd al-Muttalib jusqu'à Adnan, qu'il faut mémoriser. Et avec ces 5 vers, alhamdoulillah, c'est très facile, bi'idnillah, qu'Allah nous le facilite à tous. Ensuite, comme j'ai dit, Adnan, c'est une certitude que c'est un descendant de Ismaïl, alayhi salam. C'est un descendant de Ismaïl, alayhi salam. Et Quraysh, par lequel, de la tribu de laquelle descend le prophète, alayhi salatu wassalam, Quraysh, c'est le nom d'une personne, ou afwan, le surnom d'une personne. C'est qui cette personne? Il y a une divergence. L'avis le plus connu qu'a cité l'imam Ibn Kathir et qu'a donné l'imam Ibn Abd al-Barr comme avis juste, c'est que Quraysh est le fils de Fihr. Et le fils de Fihr. Il y a un autre avis qui dit que Quraysh, c'est An-Nadr ibn Kinana. C'est pas le fils de Fihr, c'est Nadr. Donc c'est plus loin. Il y a d'autres avis par rapport à ce point, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Quraysh, dont l'avis le plus connu, c'est le fils de Fihr. C'est le fils de Fihr. Et Nabi alayhi salam, il vient de cette tribu, la tribu de Quraysh. Par contre, les tribus du Yémen, telles que la tribu de Himyar et de Hadramaut et de Saba et autres tribus du Yémen, est-ce que ce sont des descendants de Ismaïl ou pas? C'est une certitude que ce sont des Arabes. Mais est-ce que ce sont des descendants de Ismaïl ou pas? Il y a une divergence à ce sujet. Car le père des tribus yéménites, c'est Qahtan. Qahtan, est-ce qu'il descend de Ismaïl? Ça, c'est un avis. C'est l'avis qui a été donné par l'imam al-Bukhari dans son authentique. Et il a attribué les yéménites à Ismaïl, que ce sont la descendance de Ismaïl. Et c'est l'avis qui a été choisi par al-Hafidh ibn Hajar également. Il y a un autre avis qui dit que Qahtan est le fils de Sam ibn Nuh. Et il y a d'autres avis. Mais de manière générale, faut savoir que tous les Arabes descendent de trois hommes. L'origine de tous les Arabes, tous y descendent de trois hommes. Adnan, qui est le grand-père du prophète alayhi salam, l'arrière-grand-père du prophète alayhi salam, et Qahtan, l'arrière-grand-père de tous les Yéménites, et Qudaa. Qudaa, il y a des savants qui ont dit également, c'est un des arrière-parents des Arabes également. Et si on prend l'avis qui a été donné par l'imam al-Bukhari, tous ces hommes descendent de Ismaïl alayhi salam. Et c'est ce qu'on appelle l'arabe al-Adnaniya, ça c'est desquels vient le prophète alayhi salam, et l'arabe al-Qahtaniya, desquels descendent les Yéménites. Et comme je vous ai dit, il y a des savants qui détestent parler de la lignée du prophète alayhi salatu wassalam après Adnan. Pour la sagesse que je vous ai citée tout à l'heure, il y en a qui se basent sur un hadith qui a été rapporté selon Abdullah ibn Abbas, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, en citant ses arrière-grands-parents jusqu'à Adnan et après, il a arrêté. Et il a dit, les savants des lignées généalogiques ont menti. Allah dit, وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. عاد et ثمود et les habitants de Ras et plusieurs générations intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations entre tout cela. Et qui les connaît? Mais ce hadith a été jugé par l'imam al-Albani comme menti. Donc on ne se base pas sur celui-là, mais on se contente de ce que les savants ont dit, c'est que jusqu'à Adnan, c'est connu avec certitude. Et après, on n'a pas de certitude. Il y a plusieurs avis qui ont été donnés. Parmi ceux qui ont détesté de parler de ce qui est après Adnan, c'est l'imam Malik, rahimahullah. Ça a été rapporté de l'imam Malik, rahimahullah. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il se croise avec toutes les tribus arabes en Adnan. Tous ils se réunissent en Adnan. C'est pour ça, Allah Azza wa Jalla dit, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Dans le sens approximatif, je ne vous réclame pour cela aucune récompense, hors l'affection due aux proches. C'est-à-dire qu'il a des liens de parenté avec toutes les tribus arabes. Comme a dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit, لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. Il n'y a pas une fratrie parmi Quraysh sans que le prophète عليه الصلاة والسلام ait un lien de parenté avec eux. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, bien évidemment, c'est l'élu de tous les Arabes, comme ceci a été rapporté par l'imam muslim dans son authentique selon Wafil ibn al-Asqa' radiyallahu anhu a dit, que le messager alayhi salatu wasalam a dit, Allah a choisi Kinana de tous les fils de Ismaïl. Ce sont les élus de tous les fils de Ismaïl alayhi salam. Et il a choisi de Kinana Quraysh. C'est-à-dire l'élite de Kinana, c'est Quraysh. Et il a choisi de Quraysh Banu Hashim. L'élite de Quraysh, ce sont les Banu Hashim. Et il m'a choisi de Banu Hashim. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wasalam, est le meilleur de tous les fils de Hashim. Et il est le meilleur, même plus que ça. Il est le meilleur de tous les fils de Adam, alayhi salam. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, se croise avec les fils de Israël, Israël qui est Yaqub. Il se croise avec les fils de Israël dont en la personne de Ibrahim alayhi salam. Ils ont un père commun qui est Ibrahim alayhi salam. Car Yaqub, qui est surnommé Israël, c'est le fils de Ishaq, fils de Ibrahim alayhi salam, frère de Ismaïl alayhi salatu wassalam. Donc, comme j'ai dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur de tous les fils de Adam. Comme il a dit lui-même dans un hadith authentique, il a dit, Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Adamu faman dunahu min al-anbiya'i tahta liwa'i. Il a dit, je suis le meilleur des fils de Adam. Sans vantardisme. Adam et ainsi que tous les autres prophètes seront sous mon étendard. Ils seront tous sous la bannière du prophète alayhi salatu wassalam. Il a été rapporté également authentiquement de lui qu'il a dit Sa'aqumu maqaman yarghabu ilayya al-khalqu kulluhum hatta Ibrahim. Je serai dans une station où toutes les créatures reviendront vers moi, y compris Ibrahim alayhi salam. Et ça, c'est la station louée qu'Allah a promis à son prophète alayhi salatu wassalam. C'est la grande intercession dans laquelle il va intercéder auprès d'Allah pour alléger toutes les créatures après les difficultés de l'attente du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le rassemblement. Et la mère du prophète alayhi salatu wassalam, elle s'appelle Amina bint Wahb ibn Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra. Donc sa mère, c'est Amina bint Wahb. C'est une femme très très noble. C'est la plus noble des femmes arabe, et elle se croise avec Abdullah, le père du prophète, alayhi salatu wassalam, en Kilab. Kilab ibn Murra. Elles ont un arrière-parent commun qui est Kilab ibn Murra. Donc, de cette descendance et de cette origine noble qu'est sorti notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Par rapport à sa naissance, sallallahu alayhi wassalam, l'imam Ibn Kathir a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est né un lundi. Et regardez la science de cet imam, comment il a commencé avec le jour. Il n'a pas commencé avec la date, parce que sur le jour il y a unanimité que le prophète alayhi salatu wassalam est né le lundi. Et le fait qu'il soit né le lundi, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a été interrogé au sujet du jeûne du lundi, il a dit « C'est un jour dans lequel je suis né et c'est le jour dans lequel j'ai été envoyé. » Ou « C'est le premier jour dans lequel il m'a été révélé. J'ai reçu la révélation. » Et le lundi également, c'est le jour dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, comme ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Le lundi également, c'est le jour dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, et ceci est rapporté dans les deux authentiques. Donc, ça c'est par rapport au lundi. Le prophète alayhi salatu wassalam est né un lundi. Il est né le 2 Rabi al-Awwal. Et ça a été rapporté qu'il est né le 8, ça a été rapporté le 10 et le 12. Et Zubayr ibn Bakkar a dit qu'il est né pendant le mois de Ramadan. Et ça, c'est un avis étrange, rapporté par Suhayli dans Ar-Rawd al-Unuf, son livre qui s'appelle Ar-Rawd al-Unuf, qui est une explication de la biographie d'Ibn Hisham. Donc, pour résumer, Nabi alayhi salatu wassalam, par rapport à la date du jour de la naissance, de sa naissance, il y a quatre avis. Le 2, le 8, le 10 et le 12. Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans l'authentique de la biographie, il a dit que ce qui est rapporté avec une chaîne de transmission authentique, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam est né le 8 Rabi al-Awwal. Ça a été rapporté par l'imam Malik et autres avec une chaîne de transmission authentique de Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im, qui est un grand tabi'i. Donc ça, c'est l'avis le plus juste qu'on a. L'avis le plus juste qu'on a, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam est né le 8. Et l'avis le plus connu chez les gens, c'est le 12. C'est le 12, ça c'est l'avis le plus connu. Mais l'avis le plus juste, c'est le 8. Les astronomes disent que le prophète alayhi salatu wassalam est né le 9. Et ils se sont basés sur ça, sur les calculs astronomiques. Ils ont trouvé que le lundi coïncide avec le 9, Rabi al-Awwal. Mais nous, sur quoi on se base? C'est sur ce qui a été rapporté authentiquement d'un grand tabi'i, et c'est la chose la plus authentique qu'on a. Donc, on dit que le prophète alayhi salatu wassalam est né le 8. Mais il y a une faïda à tirer de ça. Toute cette divergence démontre que il n'y a pas un grand intérêt qui a été accordé à la date à laquelle le prophète alayhi salatu wassalam est né, contrairement au jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'adoration qui est liée à ce jour-là. Il n'y a pas d'adoration qui est liée à cette date. Contrairement au jour auquel est liée une adoration de jeûne, le jeûne du lundi, comme on l'a vu dans le hadith, dans l'authentique de l'imam muslim. Et de là, on prend que ceux qui fêtent l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam, le 12, déjà, c'est pas la date à laquelle est né le prophète alayhi salatu wassalam avec certitude. Et deuxièmement, ceci n'est pas légiféré. Ceci n'est pas légiféré. Bien évidemment, il y a deux catégories de gens parmi ceux qui fêtent l'anniversaire. La première catégorie, et je la passe rapidement, c'est ceux qui fêtent l'anniversaire soi-disant en mangeant et en préparant des plats et en dansant dans la mixité et dans les différents interdits. Ceux-là, je ne pense pas qu'un homme raisonnable puisse croire que ça c'est une adoration avec laquelle il se rapproche d'Allah. Je ne pense pas qu'un homme raisonnable puisse croire que quelqu'un qui est baigné dans les péchés, dans la mixité, les hommes, les femmes, les instruments, la musique, les chants, et en plus il se remplit le ventre, et il dit que ça c'est une adoration, et il fête l'anniversaire du prophète alayhi sallam de cette manière. Ça c'est, je ne pense pas qu'un homme raisonnable puisse être convaincu que ça c'est une adoration, excepté quelqu'un qui suit sa passion et son hawa. Et ceux-là, on n'a rien à leur dire. Qu'Allah nous guide et les guide. Leur égarement est tellement évident. Mais on parle de ceux qui ont un certain tel vice, qui sèment la confusion chez les gens, et les doutes en disant que nous, on ne fait pas tous ces interdits. Nous, pour nous, c'est un rappel uniquement. Il dit, c'est pas une fête, c'est un rappel uniquement. Païd. Dans lequel on se rappelle la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'on l'aime, et pour manifester notre amour pour lui, on leur dit, si le statut du prophète, alayhi salatu wassalam, chez vous, c'est de se rappeler sa biographie une fois dans l'année, c'est quelque chose de triste. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on vit avec sa biographie et sa tradition tous les jours, à chaque instant. À chaque instant qu'il y a une adoration, tu vis avec le Nabi alayhi salatu wassalam. Tu le suis dans ta salat, tu le suis dans ta zakat, tu le suis dans ton jeûne, tu le suis dans ton comportement avec tes parents, avec tes frères, tes sœurs, tu le suis avec ton comportement avec tes voisins, et ainsi de suite. À chaque instant, tu as une adoration dans laquelle tu suis le prophète, alayhi salatu wassalam. Tu le suis d'abord dans l'aqidah, dans le tawhid. Et ainsi de suite. Donc nous, on fait pas l'année, on se rappelle pas de Nabi alayhi salatu wassalam une fois dans l'année. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, ça c'est pas légiféré. Car il n'y a personne qui fait ce que vous prétendez sans se rapprocher d'Allah avec ces choses-là. Il ne fait pas ça comme des habitudes. C'est une adoration avec laquelle il cherche à se rapprocher d'Allah et gagner sa satisfaction. Et comme on sait tous, parmi les béabas de la religion de l'islam, et malheureusement qui sont ignorés chez beaucoup parmi les gens de la masse, c'est pour ça qu'ils peuvent tomber facilement dans le bid'a. Et quand tu cherches à convaincre quelqu'un d'une bid'a, ne lui parle pas d'un détail, d'une mas'ala far'iyya. Parle-lui des règles de base de l'islam. Parce que si tu lui parles de maulid, c'est une bid'a, il sera pris par les sentiments. Non, moi, c'est l'amour de Nabi alayhi salam. Et nous, on déteste Nabi alayhi salam. Mais est-ce que ton amour pour le prophète alayhi salatu wassalam t'autorise à faire tout et n'importe quoi? Faut faire ce que bon te semble, adorer Allah selon ta passion? Ça, ce sont les juifs qui prennent du livre qui leur a été révélé ce qui leur convient. Ils rejettent ce qui ne leur convient pas. Mais le croyant, il se soumet à Allah, il adore Allah seul. Il l'adore uniquement avec ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Et ça, ce sont les deux conditions d'acceptation de toute adoration. Tu dois adorer Allah seul et l'adorer uniquement avec ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Tu ne l'adores pas avec les innovations et les hérésies et ce que les gens ont inventé. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu il dit « Kullu bid'atin dalala wa irra'aha an-nasu hasanah » Chaque innovation est un égarement, comme bien même les gens la voient comme un bien. Parce que l'innovation a lieu dans les adorations uniquement. Et il n'y a pas d'innovation dans les péchés. Wal'iyadu billah, quelqu'un qui va dans une discothèque ou autre, il n'y a pas d'innovation, c'est que des péchés. Mais l'innovation, c'est dans les choses avec lesquelles tu te rapproches d'Allah. C'est pour ça il y a des gens qui tombent dans l'innovation et qui ne se repentent pas toute leur vie. Il peut rester dans cette bid'a pendant 60 ans. Parce que pour lui, il ne fait pas de mal, il ne fait que le bien. وَكَمْ مِمْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَمْ يُدْرِكْهُ وَكَمْ مِمْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَمْ يُصِبْهُ Et combien de personnes qui veulent le bien et qui a une bonne intention, mais qui n'est pas dans le bien parce qu'elle a négligé la deuxième condition qui est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous préserve de shirk sous toutes ses formes, apparentes ou cachées, et qu'Allah nous préserve de l'bid'a et de tout ce qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les autres péchés. Donc, ça c'est pas légiféré. Et cette idée que tu as eue de te rappeler la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi ne l'a pas eu Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, radiyallahu anhum, et les trois premières générations de cette communauté? Pourquoi personne n'a eu cette idée que toi t'as eu? Tu dois accuser ta compréhension. Si t'as quelque chose qui n'est pas en accord avec Sahaba, radiyallahu anhum, tu dois accuser ta compréhension. Et si tu crois que t'as fait une adoration avec laquelle t'as devancé les compagnons, alors c'est ça l'égarement. C'est ça l'égarement. الضلالة حق الضلالة أن تظن أنك سبقت محمدا صلى الله عليه وسلم أو أصحابه بعبادة من العبادات. L'égarement, tout l'égarement, c'est de croire que tu as devancé le prophète alayhi salatu wassalam ou ses compagnons avec une adoration. Et c'est ce qui a été dit par l'imam Malik, rahimahullah, à cet homme qui a voulu démarrer les rituels de l'Umra ou de l'Hajj, de l'Masjid Nabawi, et non pas de l'Hulayfa. Le miqat avec, à partir duquel il commençait le Nabi alayhi salatu wassalam. Lui, il voulait commencer avant. Et l'imam Malik l'a blâmé sévèrement. Il a mis en garde contre l'égarement. Donc, on retient ici qu'il y a une divergence sur la date du jour dans lequel le prophète عليه السلام a été né, mais la vie le plus juste, wallahu a'lam, comme a dit l'imam al-Albani, c'est le 8 Rabi' al-Awwal. Par rapport au mois, Rabi' al-Awwal, il n'y a pas de divergence. Il y a unanimité. Et également l'année dans laquelle le prophète عليه السلام est né, la vie le plus connue, c'est qu'il est né à Moulfil, l'année de l'éléphant. C'est-à-dire l'année dans laquelle il y a eu cet événement important. Et son histoire, d'une manière concise, c'est quand Abraha a construit une maison comme le Kaaba. Abraha al-Habashi, l'Éthiopien, il a construit une maison là-bas comme le Kaaba afin que les gens la vénèrent, comme les Arabes vénèrent le Kaaba. Et un Arabe qui était en voyage là-bas, quand il a entendu ça, il a voulu humilier cette demeure, cette maison que Abraha a créée. Il a uriné dedans. Et quand Abraha l'a appris, il a décidé de démolir le Kaaba. Il est parti avec une grande armée, avec des éléphants en tête, que les Arabes n'avaient pas vus auparavant, dans leur majorité. Et Allah Azza wa Jal a préservé le Kaaba et a envoyé des oiseaux qui les ont jetés avec des pierres en feu. Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil. Et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le Kaaba. Donc le prophète عليه السلام, il est né cette année dans laquelle il y a eu ce grand événement. Et ça montre que Allah Azza wa Jalla a voulu marquer sa naissance par un grand événement, comme on dit les savants. Et sur cet avis-là, Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami, cheikh de l'imam al-Bukhari, ainsi que Khalifa ibn Khayyab, le grand historien, ont rapporté unanimité des savants, malgré qu'il y a d'autres avis qui ont été rapportés, comme quoi le Nabi alayhi salam est né 10 ans après l'année de l'éléphant, il est né, il y a plusieurs avis, mais c'est celui-là qu'on retient ici. La mort de son père a eu lieu pendant qu'il était dans le ventre de sa mère. Il était encore utérus, il était encore fœtus dans le ventre de sa mère que son père est décédé. Il a été dit qu'il est décédé après sa naissance de quelques mois. Il a été dit d'une année, de 2 ans, mais le premier, c'est la vie le plus connu. Le premier, c'est la vie le plus connu. Donc, vous constatez que le prophète, a grandi orphelin. Et l'orphelin, c'est celui qui perd son père avant la puberté. Celui qui perd son père avant la puberté. Et on le nomme ainsi, c'est-à-dire orphelin, jusqu'à ce qu'il atteint la puberté. Une fois qu'il atteint la puberté, on dit plus de lui qu'il est orphelin. C'est ce qu'a dit Ibn Khalawi parmi les imams de l'Ugha al-Arabiya. Ibn Sikkit, rahimahullah, a dit que l'orphelin, al-yatim, parmi les hommes, c'est celui qui perd son père avant la puberté. Et l'orphelin parmi les animaux, c'est celui qui perd sa mère. Et parmi les sagesses que les savants ont citées dans le fait que le prophète a grandi orphelin, c'est pour que personne n'ait de mérite sur lui, comme quoi c'est lui qui l'a éduqué, qui l'a orienté. Ou qu'on pense qu'il a été élevé par son père de manière à récupérer yani le statut de ses ancêtres. Et c'est pour ça qu'il a prétendu la prophétie. Également parmi les sagesses, c'est pour que tous les orphelins sachent que rien ne peut faire face entre eux et la réussite et le succès dans le dunya et dans l'akhira. Nabi alayhi salatu wa salam, le meilleur des fils de Adam, a grandi orphelin, alayhi salatu wa salam. Et comme c'était l'habitude des Arabes, ils cherchaient des nourrices pour leurs enfants dans des endroits qui seront le plus bénéfiques pour les enfants. Comme c'était une habitude chez les Arabes, donc le prophète alayhi salatu wa salam également, on lui a cherché des nourrices dans la tribu de Bani Sa'd, Bani Sa'd ibn Bakr, qui est une tribu de Hawazin, qui se trouve aujourd'hui dans la ville de Ta'if. Donc, ils y ont cherché une nourrice, et la femme qui a accepté de le prendre, c'est Halima Sa'diya. Est-ce qu'elle est devenue musulmane ou pas? Il y a une divergence. On va pas s'attarder sur ça. C'est pour ça l'imam Ibn Kathir n'a même pas évoqué ce point. Donc, par contre, que c'était sa nourrice, ceci est rapporté d'une manière authentique. La nourrice du prophète alayhi salatu wa salam était Halim al-Sa'diya, de la tribu de Bani Sa'd, dans la ville de Ta'if aujourd'hui. Et qui s'appelait également ainsi à l'époque. Et Halima, quand elle a pris le prophète alayhi salatu wa salam, au début elle a hésité, parce que c'était un orphelin. Et les femmes des campagnes préféraient des enfants ayant des pères, afin qu'il les aide et qu'il paye. Lui, il est orphelin, c'est qui va payer? Et Annie, elle a hésité, mais finalement, elle a fini par le prendre parce qu'il n'y avait que lui. Et elle a vu énormément de bien. À partir de l'instant où elle l'a pris, jusqu'à ce qu'elle l'a rendu à sa mère. Elle a vu beaucoup de baraka dans sa vie, dans sa famille, ainsi de suite. Et au bout de 4 ans d'allaitement, bien évidemment, il y a des sagesses pour lesquelles les Arabes choisissaient d'allaiter leurs enfants dans des campagnes. Tout d'abord, afin qu'ils soient imbibés dans les habitudes pures, les pures habitudes des Arabes, et qu'ils grandissent dans la dureté. Et non pas dans l'aisance des villes, dans la dureté des campagnes. Et ça leur permet également de grandir loin de toutes les maladies des villes et d'avoir des corps forts physiquement. Et également d'être habitués à cette dureté dans la vie. Et c'est pour ça, c'est demander aux parents de ne pas trop gâter leurs enfants et les chouchouter, à leur donner tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est une manière de les gâcher. Faut habituer l'enfant à ce qu'il soit privé de temps en temps, à ce qu'il n'ait pas tout ce qu'il veut, et ainsi de suite. Et c'est pour ça, c'est une occasion très bénéfique, le jeûne de Ramadan pour les enfants. salaf faisaient jeûner leurs enfants, même les petits, pendant le mois de Ramadan. Bien évidemment, s'il n'y a pas de danger pour sa santé. Mais le faire patienter en lui donnant des jouets et des choses comme ça, même s'il y a une dureté dans le jeûne, c'est quelque chose de demandé. Quand leurs enfants pleuraient, ils leur donnaient des jouets pour les préoccuper afin qu'ils continuent le jeûne jusqu'au Maghrib. Donc ça, c'est quelque chose qui est demandé. Mais bien évidemment, sans que ça représente un danger pour la santé de l'enfant. Si l'enfant est très très faible physiquement, il a une faible morphologie, yani, des choses comme ça, il faut revenir au médecin et les consulter. Mais de manière générale, éduquer l'enfant à une certaine dureté dans le mode de vie, à ce qu'il n'ait pas tout ce qu'il veut, ça c'est quelque chose de demandé et qui lui sera bénéfique plus tard. Ça lui apprendra une certaine dépendance et à ne pas toujours compter sur les autres. Et ça, c'est parmi les sagesses qu'Allah Azzajal a voulu pour son prophète, alayhi salatu wassalam, également avoir une langue arabe pure. Car dans les villes, il y a des gens qui viennent de partout, et ainsi la langue arabe est altérée. Et ça, vous le constatez dans les pays dans lesquels il y a beaucoup d'étrangers, surtout les non-arabes. Vous constatez que leur langage est altéré. Contrairement à dans une campagne, à l'époque, c'est l'arabe pur. Au bout de 4 ans, Halima Sa'diya, après un événement qui lui a fait peur à elle par rapport au prophète alayhi salatu wassalam, elle a décidé de le rendre à sa mère. Et cet événement, c'est ce qui s'appelle Hadithatu Shaqqi Sadr. Il rapportait dans l'authentique de l'imam Muslim que Jibril alayhi salam est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam pendant qu'il jouait avec des enfants et il l'a pris, il l'a mis par terre sur le dos, il a ouvert sa poitrine, il a sorti son cœur et du cœur il a sorti une alaqa, un grumeau de sang noir. Il a dit ça c'est la part de Shaitan en lui. Il a sorti ce grumeau de sang et il a lavé le cœur dans un récipient en or avec de l'eau de zamzam, et ensuite il a remis en place. Et il a cousu la poitrine. Et il a cicatrisé la poitrine également. Mais ça ne veut pas dire que la trace a disparu. Car Anas radiallahu anhu dit qu'il voyait encore cette trace de couture dans la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a gardé des traces. Et quand il est revenu vers sa nourrice, Halima, il était pâle, alayhi salatu wassalam. Et les enfants qui jouaient avec lui, ils ont dit à sa nourrice, Halima, ils lui ont dit que Muhammad a été tué. Et quand ils l'ont vu, ils l'ont trouvé pâle. Et après, il a repris sa force. Mais Halima a eu peur suite à cet incident. Et a décidé de le rendre à sa mère. Nabi alayhi salatu wassalam, bien évidemment, il a eu une chose similaire une deuxième fois dans sa vie. La même chose que je vous ai citée ici, Shaqq al-Sadr, il l'a eu une deuxième fois quand il avait dépassé la cinquantaine, juste avant le voyage nocturne et l'ascension vers les sept cieux. Donc il a eu la même chose. Et sa mère un jour est sorti avec le prophète alayhi salatu wassalam en allant rendre visite à ses oncles maternels, l'akhwal, les oncles maternels du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Les oncles maternels à Médine, car son grand-père Abdul Muttalib avait épousé une femme parmi la tribu de Bani Adi ibn Najjar, une femme qui s'appelait Salma. C'est pour ça, Bani Adi ibn Najjar, ce sont les oncles maternels du prophète, alayhi salatu wassalam. Et sur son chemin de retour, elle est décédée à un endroit qui s'appelle Al-Abwa, qui est connu encore aujourd'hui avec le nom, en revenant vers Mecca, elle est décédée, alors que le prophète alayhi salatu wasalam avait 6 ans et 3 mois et 10 jours. Et ça a été rapporté 4 ans, mais le plus connu, c'est qu'il avait 6 ans et 3 mois et 10 jours. Et elle a été enterrée à ce même endroit qui s'appelle Abwa. L'Abwa, ça se trouve entre Mecca et le Médina, à peu près 280 km de Médine, en allant vers la direction de Mecca. Car comme vous savez, entre Mecca et le Médina, il y a ce qu'on appelle Asharatu Marahil, 10 phases. Les Arabes, ils calculaient la distance avec les phases de voyage. Et une phase, c'est la distance qui est parcourue en une journée, à peu près 40 km. Et une phase, elle représente 2 Burud. Al-Barid, c'est une unité de mesure de distance également. Dans une phase, il y a, dans une marhala, il y a 2 Burud. Et dans chaque Barid, il y a 4 Farasikh. Et le Farsakh, ça représente 3 miles. À peu près 1,7 km. Ou 0,68, quelque chose comme ça à peu près. Donc, la distance entre Mecca et Medina, c'est à peu près 400 et quelques. Et entre Mecca et Abwa, l'endroit dans lequel était enterrée la mère du prophète alayhi salam, il y a à peu près 280. Et c'est à partir de ce que je vous ai dit que les savants disent que la distance dans laquelle on raccourcit la salat, la distance de voyage dans laquelle on raccourcit la salat, une fois qu'on a quitté notre ville, ça représente 2 marhala, 2 phases, à peu près 80 km. Donc, quand la mère du prophète était décédée, ils l'ont enterrée à cet endroit. Et l'imam muslim a rapporté dans son authentique que le prophète a demandé permission à Allah de faire l'istighfar pour sa mère, de demander pardon pour sa mère, et qu'Allah ne lui a pas autorisé. Il lui a demandé de rendre visite à sa tombe, et Allah lui a autorisé. Et ce jour-là, quand il était parti dans la conquête de Mecca, il s'est arrêté à cet endroit, et il a dit aux compagnons, radiyallahu anhum, ça c'est la tombe de ma mère. Il leur a montré la tombe de sa mère. Il a beaucoup pleuré. Il a fait pleurer les gens autour de lui. Comme a dit l'imam Ibn Kathir. Après avoir enterré sa mère, c'est Umm Ayman, sa servante, qu'il a hérité de son père Abdullah. Umm Ayman, qu'il a pris en charge par la suite, sous la tutelle bien évidemment de son grand-père Abdul Muttalib. Mais c'est Umm Ayman qui va s'occuper de lui. C'est pour ça qu'il a été rapporté qu'il disait « Umm Ayman, c'est ma mère après ma mère. » Umm Ayman, radiyallahu anha, elle s'appelle Baraka, une femme éthiopienne, radiyallahu anha, que le Nabi alayhi salam a hérité de son père, Abdullah. Et il l'a affranchi quand il a épousé Khadija, radiyallahu anha. Il l'a affranchi quand il a épousé Khadija, radiyallahu anha. Il l'a marié à son bien-aimé Zayd ibn Haritha, radiyallahu anha. Zayd ibn Haritha, le bien-aimé du prophète, alayhi salatu wassalam, et son fils également, Usama ibn Zayd, le bien-aimé, fils du bien-aimé. Ce grand combattant et guerrier qui a dirigé une armée dans laquelle il y a Abu Bakr et Omar à l'âge de 18 ans. Radiyallahu anhu. Et c'était un homme noir, Usama ibn Zayd. Et ils disent que dans son visage, il n'y avait pas une beauté. Radiyallahu anhu. Et Fatima bint Qais, ça me vient à l'histoire, et c'est une belle histoire que je vous raconte. Fatima bint Qais, quand elle avait demandé conseil au prophète alayhi salatu wassalam par rapport à son mariage après le décès de son mari, elle lui a cité quelques noms de compagnons. Et le Nabi alayhi salatu wassalam lui a cité des hommes qui sont très nobles dans leur origine. Et Nabi Issa sallam lui a dit, épouse Usama. Et comme si elle a détesté au début, à cause de son apparence. Fatima bint Qais, c'est une femme très noble, d'une noble origine. Et subhanallah, elle a dit au prophète Issa sallam, est-ce que c'est un ordre ou c'est une recommandation? Il lui a dit, c'est une recommandation. Personne ne peut forcer personne à se marier avec qui que ce soit. Mais on peut recommander quelqu'un dans lequel on pense qu'il y a du bien. L'islam a laissé pour la femme le choix de son mari. Mais elle doit avoir l'accord de son tuteur. Mais si elle refuse un mari, personne ne peut la forcer. Sans rentrer dans les détails, bien évidemment. Donc, Fatima radiallahu anha a épousé Usama. Et elle a vu, elle a dit qu'elle a vu tellement de baraka dans son mariage qu'elle a été jalousée par ses amis. Tellement elle a eu de baraka avec lui. Bien évidemment, ça c'est une conviction qu'on doit avoir tous, une certitude. Quand tu écoutes les recommandations du prophète alayhi salam, et ce qui est recommandé, bien évidemment il ne peut arriver que le baraka et le khair dans ta vie. Donc, Nabi alayhi salam a affranchi Umm Ayman quand il a épousé Khadija radiallahu anha, la mariée à Zayd, et de lui, et d'elle, il a eu Usama ibn Zayd. Donc Usama c'est le fils de Umm Ayman radiallahu anhum jami'an. Et Umm Ayman, c'est une femme qui a connu le prophète alayhi salatu wassalam dans toutes ses phases et dans toutes ses états. Dans tous ses états. Elle l'a connu quand il était enfant, quand il est devenu prophète, et elle l'a connu jusqu'à la fin de sa vie, car elle est décédée 5 mois après le prophète alayhi salatu wassalam. Ça a été rapporté 6. Et cette femme, radiallahu anha, malgré qu'elle était âgée, elle participait dans les batailles. Elle a participé dans la bataille de Uhud pour soigner les blessés de la guerre, radiallahu anha. Et je termine avec une histoire de Umm Ayman, radiallahu anha, quand Abu Bakr et Omar lui ont rendu visite un jour après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont voulu sur sa sunna, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qui rendait visite à Umm Ayman. Après sa mort, ils lui ont rendu visite. Et quand elle les a vus, elle a pleuré, radiallahu anha. Ils lui ont dit, ya Umm Ayman, pourquoi tu pleures? Ce qu'il y a auprès d'Allah pour son messager est meilleur que ce qu'il y avait pour lui dans le dunya. Elle a dit, je ne pleure pas parce que je ne sais pas que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour le prophète Isa salam que ce qu'il avait dans le dunya. Mais je pleure pour l'arrêt de la révélation. Mais je pleure pour l'arrêt de la révélation, l'inqita' al-wahi. Ce grand bien qui descendait du ciel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, qui est une lumière, un éclairage pour nous dans les ténèbres de l'ignorance. Elle pleure pour l'arrêt de l'wahi. Radiallahu anha. Regardez la science de cette femme. Et elle a fait pleurer Abu Bakr et Omar. Quand ils ont entendu ça, ils ont pleuré. Eux aussi. Qu'Allah agrée tous les compagnons de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous accorde la sincérité et la conformité à la sunna dans tous les paroles et les actes. Et qu'Allah nous bénisse les moments de ce mois béni, le mois de Ramadan, et nous fasse profiter pleinement. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.